cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Alors, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, auditeurs, auditrices de Puissance Maximale et de CKIA. C'est l'émission Puissance Maximale du 4 avril 2011. Aujourd'hui, une émission très chargée. Nous allons faire le tour du Québec, en fin de compte, le tour de la région de Québec. Nous allons rejoindre des gens au téléphone. Vous savez qu'en fin de semaine, le 9 et le 10 avril, en fin de compte, en fin de semaine, c'est une fin de semaine très chargée pour le monde du jeu, le monde de l'animé, tout ce qui a trait au sujet dont Puissance Maximale vous parle. Donc, en fin de semaine, il y aura la Nadegicon sur le campus de l'Université Laval. On va aller en parler avec Maxime Girard dans quelques instants au téléphone. Nous irons également rejoindre Martin Bouchard de Philosophia, vers le milieu de l'émission, qui nous parlera d'un autre événement, la Fiesta ludique de Québec, qui aura lieu également en fin de semaine prochaine, donc la fin de semaine qui s'en vient, le 9 avril. Et nous allons également aller dans la rive sud de Québec, rejoindre notre collègue Andrew Castegan, qui a quelques commentaires à faire sur le monde du jeu et le monde de l'animé, comme à l'habitude. Et je salue mon collègue Guillaume Forand, qui est à la console aujourd'hui. Salut Vincent. Salut Guillaume, bien content de t'avoir avec nous. Et on va débuter l'émission, comme à l'habitude, avec une petite chanson. Oui, on va y aller avec une chanson que j'ai trouvée, dans le fond, que j'ai sélectionnée à travers toujours les chansons que j'ai écoutées à l'événement de PAX il y a quelques semaines. Presque un mois de ça. Ben oui, déjà. Hein? Et une chanson de Jonathan Coulton, ou surnommé Joko pour les intimes, ou dans le fond, qui est pas mal tout le monde qui connaît sa musique l'appelle Joko, car c'est plus simple à nommer. Et la chanson s'appelle Skull Crusher Mountain, donc la montagne écraseur de crâne. Écoutez les paroles, ça fait penser un petit peu à un scientifique fou qui tombe en amour, qui a une bien-aimée, et tout ce qui tourne alentour, toujours sur les ondes de CKIA, vous écoutez Puissance Maximale. My secret lair on Skull Crusher Mountain. I hope that you've enjoyed your stay so far. I see you've met my assistant Scarface. His appearance is quite disturbing, but I assure you he's harmless enough. He's a sweetheart, calls me master, and he has a way of finding pretty things and bringing them to me. Get What's with all the screaming? You like monkeys, you like ponies. Maybe you don't like monsters so much. Maybe I used too many monkeys. Isn't it enough to know that I ruined a pony? Making a gift for you. Squad ignites the atmosphere, and all the fools who lead their foolish lives may find it quite explosive. Well, it won't mean half as much to me if I don't have you here. No, it isn't easy living here on Skull Crusher Mountain. So maybe you could cut me just a little slack. It'd kill you to be civil. I've been patient, I've been gracious, and this mountain is covered with wolves. Hear them howling, my hungry children. Maybe you should stay and have another drink and think about me and you. Oh, and I'm so into you, but I'm way too smart for you. Even my henchmen think I'm crazy. That control me from inside my head. Say I shouldn't kill you. I shouldn't kill you. I shouldn't kill you. Et nous sommes de retour sur les ondes de CKIA, puissance maximale. Et nous allons parler de la Dadé de Chicone qui a lieu en fin de semaine. Et nous avons Maxime Gérard au bout du fil. Monsieur Gérard, vous êtes là? Oui, je suis là. Excellent. Et bien, Dadé de Chicone, c'est un festival d'animé, tout ce qui a rapport à la culture japonaise, c'est bien ça? Oui, exactement. C'est le Festival Dadé de Chicone, convention culturelle japonaise, le titre complet. Et c'est un événement qui a lieu sur les terrains de l'Université Laval. Oui, au pavillon Maurice Pollack et Alphonse Desjardins. Alors, pour les gens qui ne savent pas, vous en êtes à la deuxième édition? Oui, la première édition était en mai dernier et cette fois-ci, ça va être le 9 et 10 avril 2011. 9 et 10, donc c'est samedi et dimanche prochain. Pouvez-vous nous présenter un peu l'historique, l'idée qui a fait que vous avez décidé de présenter un tel festival? Originalement, c'était simplement un souper culturel au printemps 2009. C'était une dernière activité de fin d'année pour le Club Animé Québec de l'Université Laval. J'ai invité professeur en japonais. J'avais invité un calligraphe des arts martiaux et on avait simplement fait un souper sushi entre amis. Et de là, ça a parti l'idée de, par la suite, de faire de quoi dans plus grosse envergure l'année d'après, qui était une convention culturelle japonaise avec l'aide de d'autres intervenants qui ont pu rendre la chose possible. Parce qu'il faut dire, en fin de compte, que l'intérêt de la culture japonaise chez, par exemple, les étudiants de l'Université Laval, c'est quelque chose qui est déjà en place même sur le campus. Oui, il y a déjà deux chargés de cours qui s'occupent d'enseigner le japonais. Il y a un professeur qui parle de l'état du monde, qui semble bien connaître le domaine du japonais. Et nous pouvons même avoir participé dans un micro-programme avec le japonais pour pouvoir vraiment avoir un aperçu global de sa culture et de l'Asie de l'Est, de l'Asie de l'Est en général. Alors, parlez-moi en gros des activités qu'on va retrouver en fin de semaine sur le campus. En fin de compte, on parlait du pavillon Alphonse Desjardins et Maurice Pollack. Quelles sont les activités? J'ai vu sur votre site internet, il y aura mascarade, défilé de mode japonaise, du karaoké, danse. Également, j'imagine, des conférences, des panels? Oui, évidemment, il va y avoir des conférences et des ateliers, des panels. Par exemple, il va y avoir un chef Suzuki, que si vous allez sur le site web, il y a un peu une description de son association, qui va montrer une coupe particulière à la japonaise en cuisine, que ce soit le sashimi ou les légumes. Il y aura aussi une pâtissière Ryoko, qui n'est pas encore affichée, mais que si vous cherchez ce soir ou demain, ça devrait être sur le site, qui va parler de pâtisserie, qu'elle a même concoctée par le passé, même pour l'empereur du Japon. D'accord. Donc, on parle un petit peu de bouffe ici à la japonaise, tout ça. Les gens qui sont intéressés par des présentations peut-être un petit peu plus intellectuelles ou en fait, en discussion sur tout ce qui est médium japonais, est-ce qu'il y aura également des panels à ce niveau-là? Bien sûr. Il va y avoir Charles-Henri Bouchard, un missionnaire qui a été au Japon pendant 46 années. Il a une conférence très remplie. Et je suis certain que les intellectuels, les gens passionnés et les gens qui veulent simplement en apprendre un peu plus pourront aisément être nourris par cette conférence-là en particulier, qui sera dimanche. Et pour ce qui est, en général, le prix d'entrée, c'est 5 $. Donc, il n'y avait pas de préinscription où on peut arriver, et, par exemple, on s'aperçoit qu'on a du temps samedi, dimanche et on veut vraiment aller à la Nadeshikon. J'imagine qu'on peut arriver là sans problème. Oui, il n'y a aucun problème pour se rendre sur place et défrayer des frais, mais ce serait nous envisageons avoir jeudi et vendredi en soirée au pavillon de Bon Enfant, Charles de Bon Enfant, au sous-sol, il y a le Carrefour Japon. On devrait être là, les organisateurs, et on pourrait vous offrir des passes possiblement à l'avance. Il faudrait regarder sur notre site web pour des développements sur ce point-là, par contre. Parlez-nous de l'événement Mascarade. J'ai vu qu'il y avait des règlements très, très importants à suivre pour pouvoir participer à cet événement. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que c'est la Mascarade? La Mascarade, c'est une des choses qui attire principalement les festivaliers qui se concentrent uniquement sur l'aspect animation et divertissement. Nous, on a décidé d'intégrer la Mascarade puisque c'est très divertissant. Mais aussi, pour ce qui est des règlements, il faut absolument avoir fait soi-même le vêtement, le costume. Il y a aussi des niveaux différents pour les gens qui veulent participer, que ce soit débutant, intermédiaire, artisan et même maître costumier. Il faut avoir participé à d'autres mascarades pour pouvoir accéder au niveau supérieur. Souvent, les gens sont évalués selon leur technique de travail, leurs accessoires, ainsi que les matériaux utilisés. Et aussi, lorsqu'ils arrivent sur scène, ils peuvent soit le faire apparaître comme une parade de mode, passer, présenter leur costume et descendre, ou faire un court scénario mettant en scène les personnages qu'ils incarnent. Et lorsqu'on parle de personnages, est-ce qu'on y va avec des personnages, par exemple, qui viennent directement du manga japonais? Est-ce qu'on peut arriver avec des costumes qui ont rapport à des personnages de jeux faits par des Japonais, par exemple, les différents jeux de Sony, des choses comme ça? Ou on parle vraiment d'un éventail assez large? Tout à fait. Tout ce que vous venez de mentionner peut être très accessible, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit aussi la BD américaine. C'est sûr qu'on met de l'emphase sur le manga, mais toute personne qui est costumée a son propre mérite, donc tout le monde est la bienvenue sur ces aspects-là. Et il y a environ un mois, bien sûr, le Japon a été secoué par un tremblement de terre et ensuite le tsunami. Est-ce que, de votre côté, est-ce que vous allez faire un petit mémorial? Est-ce qu'il y a une conférence liée à ça? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent avoir de l'information? Ou peut-être même êtes-vous associé à ramasser des dons pour la cause? Nous allons avoir une levée de fonds. J'ai contacté la Croix-Rouge et nous aurons un galon sur place. Les gens pourront offrir un don et on pourra rendre, lorsqu'ils font un don, ils pourront recevoir un papier pour dire qu'ils ont un don, si jamais ils veulent le déclarer. Il y a aussi l'association Amitié Québec-Japon, qui est une association qui existe depuis 2000 de Japonais et de Québécois, sont environ une centaine. Certaines d'entre elles et eux vont être présents aussi pour faire une vente avec un bazar. Et eux, l'argent va directement aller à la Croix-Rouge au Japon. Excellent. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, des choses qu'on oublie ici à Puissance Maximale? Il y a Carta Magica qui va être là toute la fin de semaine. C'est un organisme qui y a des jeux de cartes. et aussi peut-être de société. Et ceux qui sont grands amateurs de jeux de cartes, toute la fin de semaine, ils seront desservis à Nadeshkon, ainsi qu'une salle de jeux desservie par... D'accord. Également, j'imagine des artisans qui seront là pour vendre quelques goodies en mauvais français. Des artisans locaux, ainsi qu'à Montréal et ailleurs, qui vont être sur place pour vendre leurs produits artisanaux et aussi de marchands. Et il y aura aussi le Fanamanga qui sera là pour offrir des bento, du bubble tea et autres délicieuses délicatesses. Excellent. Alors, vous nous rappelez les dates et les heures, s'il vous plaît, M. Girard? Oui, le 9 et le 10 avril 2011. Le 9 avril, ça débute de 10 heures et ça termine à 2 heures du matin. Et le 10 avril, c'est de 10 heures du matin à 21 heures. Et ça se passe à l'Université Laval, au pavillon Alphonse Desjardins et Maurice Pollack. Exactement. Alors, on vous souhaite un très beau festival et on se redonne des nouvelles après pour faire un retour. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Alors, c'était Maxime Girard de Nadeshikon, un festival de culture japonaise qui aura lieu en fin de semaine sur les terrains de l'Université Laval. Et vous pouvez aller le voir sur le nadeshikon.com en tapant Nadeshikon, N-A-D-E-S-H-I-C-O-N sur Google. Vous allez le trouver, c'est le premier lien. Et c'est ce qui arrive en fin de semaine à Québec du côté de l'Université Laval. Guillaume, on va y aller en musique. Oui, on va y aller avec encore là un musicien, chanteur, rappeur de musique hip-hop, de nerdcore, donc de rap, de geek, qu'on pourrait dire. Ah oui? MC Frontalot avec une chanson qui s'appelle Charisma Potion, donc la potion de charisme. Ça vaut la peine encore là d'écouter les paroles. Beaucoup de gamers vont se retrouver, surtout ceux qui font du jeu de rôle un peu. Et à la fin, comme dans plusieurs de ses chansons, il y a un petit dialogue entre lui et une autre personne qui vaut la peine aussi d'écouter et que je vais vous laisser découvrir sur les ondes de Sequoia. Vous écoutez Puissance Maximale. Sparkle. where I tread. Plus eight, helm of glamour merely flatters my head. What I said was the outfit is ornamental, it's incidental. The elixir's effect is ungentle, it blends me with confident types. If I lift a toast to them, am I being polite to the kids who arbitrated on the topic of cool? Look at my cool hat and fuck you. One attribute you did not roll, is it one bottle in the bag of hold? Is it one goal to pass the stat check, to sip the extract, you command the respect? Is it one attribute you did not roll, is it one bottle in the bag of hold? Is it one goal to pass the stat check, to sip the extract, you command the respect? Is it one attribute you did not roll, is it one bottle in the bag of hold? Is it one goal to pass the stat check, to sip the extract, you command the respect? Is it one attribute you did not roll, is it one bottle in the bag of hold? Is it one goal to pass the stat check, to sip the extract, you command the respect? Damien, are you saying attribute or attribute? Attribute, obviously. Because it sort of comes off sounding like... if you said attribute, then it'd be a verb, not the a noun. The words do whatever I tell them to do. Your eyes are sparkly. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et vous êtes de retour, comme le dit si bien Frodon à Puissance Maximale. On vous l'a dit, en fin de semaine, c'est extrêmement chargé à Québec. Il y a plein de belles activités. Et quoi de mieux que d'aller faire une journée de jeu, une douzaine d'heures à Fiesta Ludique de Québec. L'événement qui normalement se tient à Montréal au mois de novembre, bien déménage à Québec pour la prochaine fin de semaine, la prochaine journée de samedi. Et nous avons la chance d'avoir en ligne Martin Bouchard de Philosophia. Bonne fin de journée. Salut. Alors, d'où vous est venue l'idée de venir faire un tour à Québec pour cet événement? Ça fait 3 ans qu'on tient l'événement à Montréal. Oui. Cette année, on voit qu'il y a de plus en plus de gens de Québec qui viennent à l'événement. Et que, au début, quand on a lancé l'événement à Montréal, on se disait « Ah, ce serait fun d'en avoir un dans toutes les régions du Québec, éventuellement, etc. etc. » Puis, c'est ça, après 3 ans, l'événement à Montréal était assez mature, là, puis il y avait assez de gens de Québec qui venaient pour justement lancer l'événement à Québec. La première fois qu'on va sortir de la région de Montréal. Bien, c'est un bon choix d'avoir pris Québec parce que quand même, il y a beaucoup de joueurs ici. Et comme vous le disiez si bien, c'est vrai que nous-mêmes, sur la route et une fois rendus sur place à Fiesta Ludique, on rencontrait des gens qu'on côtoyait finalement dans les différentes soirées de jeu ici à Québec. Et bien, en quoi Fiesta Ludique de Québec aura de différence ou sera semblable à ce qui arrive à Montréal? Parce qu'on sait qu'à Montréal, bien sûr, ça continue d'évoluer. On avait commencé tout petit dans une salle de jeu, on mélangeait un peu tout. Et dans les 2 dernières années, vous aviez séparé ça au collège à Hunsic en 2 salles, une salle un petit peu plus de jeux, de joueurs qui s'y connaissent, avec une salle un petit peu plus ludique, familiale. Est-ce qu'on va retrouver quelque chose comme ça au collège FX Garneau en fin de semaine? Comme c'est la première année, donc ça va ressembler un peu à la fiesta ludique de il y a environ 2 ans, parce que bon, là on ça se passe au collège FX Garneau. Ça va être dans une même salle et on va diviser là, cette salle-là en jeux un petit peu plus familial là, et jeux gamer, on va dire. Et comme cette année, la programmation est très axée gamer, on s'attend à ce qu'il y ait un gros pourcentage des joueurs sur place, que ce soit des joueurs déjà convaincus ou qui connaissent déjà le jeu de société. Donc, il y aura peut-être un petit peu moins de public familial. Mais par contre, on aura justement des jeux pour... accueillir le public familial aussi. Là. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parlons justement des jeux qui seront disponibles pour essais ou pour des parties de longue haleine, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver à la Fiesta Ludique de Québec? En fait, on a divisé la programmation en prototype, primaire, nouveauté. Et évidemment, il y aura les classiques aussi. Si je vais avec les prototypes, donc, c'est des jeux qui ne sont pas encore sortis sur le marché et... ça va être la première occasion au Québec de jouer à ces jeux-là. Alors, on a Cubanito et Edo, qui sont 2 jeux de l'éditeur allemand Egert Spiel, qui sera présent à l'événement pour faire essayer ces jeux-là. Ce qui est particulier, c'est que les 2 jeux sont en développement chez Egert Spiel et ils vont sortir plus tard dans l'année. Ils vont sortir pour SN au mois d'octobre. Ensuite, on aura Takenoko de Matago Asgard, qui est 2 éditeurs français. Et on aura aussi Olympos de Istari. Ces deux jeux-là ont été présentés à Cannes, puis ont fait vraiment, ils ont eu un bon succès à Cannes. Takenoko, c'est une nouveauté d'Antoine Bauzat qui a fait Seven Wonders. Puis Olympus, c'est Philippe Caillard qui a fait Small World. Donc, les gens de Philosophia qui ont pu tester ces jeux-là à Cannes sont revenus emballés du festival. Donc, on a bien hâte de les faire essayer aussi. C'est quand même assez impressionnant comme nom, Pédition, et que les gens, d'avoir réussi à mettre la main sur ces gens-là pour la Fiesta Ludique de Québec. Mmh. Oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la semaine d'après, il y a le Gathering de Alan Moon, un auteur américain. Puis les Européens sont en transit, si tu veux, pour la plupart, ils vont arriver. Il y en a quelques-uns qui arrivent plutôt à Montréal, puis après ça, ils vont se rendre justement au Gathering de Alan Moon. Puis ça leur laisse quelques jours pour visiter le Québec. Puis nous, on s'est dit, ah tiens, voilà une bonne occasion de faire un événement ludique. Pourquoi pas? Et au niveau des jeux qui sont un petit peu plus... on parle pas de nouveautés, on parle pas d'exclusivité. Les jeux que l'on trouve sur les tablettes, par exemple, Philosophia, qu'est-ce qu'on va avoir pour tester? Ben en fait, si j'y vais dans les dernières nouveautés là, qui arrivent tout juste en magasin, là, il y aura Le Secret de Monte Cristo, qui est une nouveauté Philosophia, qui vient tout juste d'arriver en boutique. Il y aura Cargo Noir, Mousquetaire du Roi, qui est un autre jeu Istari, Félinia, un autre jeu Matago. Ensuite, on aura pour les plus jeunes Catan Junior. Donc, c'est l'occasion de justement convertir les jeunes au jeu de société. C'est pour la plupart qui connaissent déjà justement Catan. Catan Junior, c'est dépendant pour les enfants. Donc, à partir de 6 ans, ils peuvent tout de suite être initiés à Catan. J'ai des enfants de cet âge-là à la maison, puis ça marche vraiment, vraiment bien. Ensuite, évidemment, mais tous les classiques, Pandémie, Dominion, Catan, justement, Carcassonne sont sur place. Là, on aura des jeux de party comme Buzzit et Double pour justement mettre un peu d'animation là-dedans. Quelques jeux qui font du bruit. Puis là, je ne veux pas l'oublier, j'ai aussi en primeur Bugs & Co., Spring Fever et Mondo. Donc, quand même, une bonne série de jeux pour la Fiesta Ludique de Québec. Pour une première édition, on invite vraiment les gens à participer à cet événement-là. Nous, Puissance Maximale, on est allés à Montréal aux différentes années, les 3 années que vous l'avez fait. Et c'est vraiment intéressant. On peut rencontrer des joueurs, justement, qui vivent, en fin de compte, la même émotion que nous à jouer. Donc, puis rencontrer de nouvelles personnes, très intéressant. Est-ce que au collège FX Garneau, je ne sais pas, Martin, si vous le savez, est-ce qu'il y aura possibilité pour les gens, justement, de pouvoir manger à la cafétéria ou on doit porter notre lunch? Oui, la cafétéria sera ouverte. Et je voulais rappeler aussi que l'événement est gratuit. Donc, c'est comme à Montréal, l'événement est gratuit pour toute la famille. Puis, comme à Montréal aussi, les animateurs en chandail orange sont là pour expliquer les jeux. Donc, ce qui est intéressant avec cet événement-là, c'est que pas besoin d'apprendre les jeux d'avance, de lire des règles ou quoi que ce soit. Les animateurs sont formés pour justement montrer les jeux, vous en suggérer, vous les expliquer. Excellent. C'est vrai que c'est ça qui faisait la force de Fiesta Ludique à Montréal également. Justement, moi, j'en suis un joueur qui, ça y prend un petit peu de temps avant d'assimiler les règles. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'on puisse justement commencer ça de base. Et même si on avait des bons joueurs à notre table, les gens se respectent. Et le but, ce n'est pas vraiment de gagner la partie, mais c'est vraiment de se familiariser avec le jeu et d'avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures, et peut-être même 12 heures si vous restez de 9 à 9, 12 heures de plaisir. Très convivial comme ambiance. Excellent. Bien, on rappelle que Fiesta Ludique de Québec aura lieu au Collège FX Garneau à Québec. C'est ce samedi, le 9, et ça aura lieu de 9 à 9. Merci beaucoup, Martin Bouchard, d'avoir parlé. Merci. Et on va vous voir ce samedi. On se voit samedi. C'est à la salle des pas perdus. À la salle des pas perdus, donc on ne se perdra pas. Excellent. Merci. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Alors, c'était Martin Bouchard de Philosophia qui sera à Québec avec plein de beau monde. Ils viennent nous nommer des gens, là, vraiment, qui font le transit à Montréal, qui vont venir faire un petit tour à Québec pour parler de leur jeu. Et on parle de compagnies allemandes, donc vous pourrez même pratiquer votre allemand si ça vous intéresse, chers auditeurs et auditrices. On vous invite à la Fiesta ludique de Québec, un événement à ne pas manquer. L'équipe de Puissance Maximale y sera. Et on pourra même peut-être vous avoir en entrevue parce que l'émission de la semaine prochaine sera dédiée à Fiesta ludique avec des entrevues avec des gens de marque dans le monde du jeu, mais également avec des joueurs comme vous qui ferez vos commentaires sur les jeux que vous allez tester. Alors, on remercie Martin Bouchard et on passe tout de suite en musique, Guillaume. Oui, on va y aller avec une petite chanson, car après la chanson, je vais faire un petit éditorial, car je dois dénoncer quelque chose et surtout... Est-ce que ce sera une montée de lait? Montée de lait, non. Non, non, c'est vraiment un éditorial. Il y a un là. Roux qui va y goûter, puis c'est important de le faire. Un roux qui va y goûter, justement. Ouais. On va aller le rejoindre après également. Tout à fait. Donc, on va y aller avec une chanson de, toujours de Jonathan Coulton, Mr. Fancy Pants, donc l'homme au pantalon fancy qui pourrait être pantalon, je ne sais pas comment le traduire. Pantalon spécial, on pourrait dire. Pensez, Bob l'éponge, peut-être, si vous voulez. Donc, toujours sur les ondes de CKIA, vous écoutez Puissance Maximale. Chances are your pants are not as fancy as the pair of very fancy pants that Mr. Fancy Pants will wear. When everybody's marching in the Fancy Pants Parade, he's gonna pass the test, he's gonna be the best in terms of pants. You look in every catalog, you shop in every store, cause even though you have 100 pants, you want some more. And suddenly you see the greatest pants you've ever seen, and even though you know it's gonna cost a lot of dough, you have to have the world's best pants. Say a little prayer for Mr. Fancy Pants. The whole world knows it's only clothes, and deep inside he's sad. They make the big announcement and the trophy goes to you. You thought you had some fancy pants and now you know it's true. You look at Mr. Fancy Pants and hold the trophy high. Everybody cheers while he's blinking back the tears. He doesn't even have the best pants. Say a little prayer for Mr. Fancy Pants. It's all Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Mr. Fancy Pants, c'était une trouvaille de Guillaume Forand. Qui d'autre qui nous trouve de la musique de ce type pour Puissance Maximale? Et Guillaume est ici aujourd'hui, vraiment, il a... un éditorial à faire, il a un commentaire extrêmement pertinent à faire sur, disons, le fait qu'on passe des messages et que ça reste dans le cerveau parfois. Oui, et ici je blâme Andrew car c'est vraiment de sa faute à lui. On va lui parler tantôt, il va peut-être pouvoir se défendre, s'il peut se défendre de ceci. Mais à cause de lui, à cause d'une chronique qu'il a faite il y a environ 2 ou 3 semaines, je me souviens plus de la date exacte, j'ai découvert un nouveau jeu. Tous mes autres jeux, je les ai mis de côté, je touche plus à ça. J'écoutais des séries télévisées un peu à gauche et à droite, j'écoute même plus ça. Dès que j'ai du temps libre, je ne fais que jouer à ce jeu. Et c'est vraiment la faute d'Andrew, car c'est lui qui a mentionné que c'était un bon jeu d'aller le chercher et d'essayer ça. Et ici, je nomme la nouvelle drogue du gaming, si on peut utiliser ce mot. Quelle est-elle? Qui est Minecraft. Hey, Minecraft. Tu sais, Andrew est venu en parler, comme tu dis, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'émission. Et moi, ben, dans mes fonctions autres que d'animateur de Puissance Maximale ou de membre de la Puissance Maximale avec vous, vous savez, on a tous quand même une job ailleurs. Et moi, ben, dans ma job, je suis enseignant et... Il y avait certains de mes élèves qui m'en avaient parlé de ce jeu-là. Et ils m'ont comme fait après l'émission, fait, ben, me semble que je t'en avais parlé, puis moi, j'avais l'air du gars qui apprenait ça, qui découvrait ça avec Andrew. Mais comme de fait, j'en avais entendu parler avant. Et, moi, j'ai pas encore fait ce que t'as fait. Je suis pas encore allé voir ce que c'était parce que j'ai vraiment peur de tomber dans l'addiction en mauvais français. Comme dit Andrew, c'est rien comme jeu. Là. C'est d'un bloc Lego vidéo. On détruit puis on reconstruit. Mais ce jeu-là, juste à mon travail, on est rendu 6 ou 8 qui jouent maintenant à ce jeu-là. À ton travail? Juste à mon travail. Sur les heures de bureau? Non, pas sur les heures de bureau. En dehors des heures de bureau. Bien sûr. On a parti un serveur pour tout jouer dessus en même temps. Ah, ouais. On le regarde pour peut-être essayer de le faire héberger quelque part pour avoir plus de monde qui joue en même temps parce que ça demande des ressources un peu. Donc, c'est vraiment la faute d'Andrew. Ma femme me voit moins souvent. En fait, elle me voit toujours autant. Mais là, je suis toujours en train de miner. Puis à chaque fois que ça retourne de bord, je suis en train de miner un bloc quelque part ou en train de le déposer. Donc, c'est vraiment la faute à Andrew. J'ai laissé toutes mes MMO que je paye pour par mois. Je ne joue même plus depuis 2 semaines. Donc, des dépenses pour rien, vraiment. Là, ben, on va y en parler, Andrew, dans quelques instants, parce qu'on va aller le rejoindre dans 3-4 minutes. Il va nous parler, justement. Il va nous faire sa chronique par téléphone également. Aujourd'hui, c'est un spécial téléphone à puissance maximale. Et quand même, la ligne est bonne, donc on va continuer comme ça. Oui, allez avec ça. Donc, jouez à Minecraft. Allez-y en petite dose. Faites attention. On peut facilement déborder. Ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé un jeu comme ça. Mais portez attention. Mettez pas votre vie de côté, c'est très important. Le jeu, c'est pour s'amuser, ça devient pas notre vie. Et voilà, c'était les conseils de Guillaume Forand qui passe sa vie maintenant à jouer à Minecraft. Mais et on y va tout de suite, on va y aller juste avant Andrew avec une autre chanson de oui. ton répertoire. Oui, de mon répertoire geek de PAX, on va y aller avec une autre chanson de MC Frontalot, la chanson qui s'appelle Zero Day, toujours sur les ondes des CKIA. Vous écoutez Puissance Maximale. Note at the time, they put the seed in some software and make it shine. So the dim we did among us, grab tight and install, put it right on the wall and don't notice it all. But the celebration of the day impends. I want to note it on the calendar. I ready my pen. I get ahead of my friends in my haste. I let slip that the zero day is coming. MC Front still electric. Boom out it. When it comes, if you're touching on an interface, you steady your thumbs. Since you might have to jump shit quick, the sting stuns. It isn't designed to destroy, it's just how it runs. I sing fun songs, but this here is a warning that the exploit's open and it might sound corny. But I give a damn about the state of the earth. Expect a hacker has to wreck it just to teach it what it's worth. First day, it's already too late. It's already too late. It's already too late. And on the first day, it's already too late. Spreading as we planned, no need for the no-ops, I know just where to land. Right, clearing out the registers with pointers to my functions, loaded to your memory and writing new instructions. Brain dump I.O., siphoned out the eye holes and tight, so I'm digging through the disassembled bytecode. Yeah. Push, pop, change, order, stack, frame, philo, file system, I-notes, all fall to my flow. Running over, there again I go, self-propagation engine, polymorphic sideshow. Every network profound to get around, the exploit payload encoded in the sound. First day, it's already too late. Administrative access, crack this. If your patch is back in the past, this old day get you on a road trip. True crit. Key fire, I will key style show. Call 777's out, luck on the mode. Mode, how I'm keeping this hurt. Cause if I keep my game on time, I only last another year. You're a little bit late. I had an NFSD back in 98. In the D compound, on the zone alarm. So get your lip balm, kitty, any DM350. In every city with the spam tech committee. Whitey, the almighty, zero day beats flying. And who's giant? That's us with the upstream. Plus we can't spam compliant. First day, it's already too late. Permanent state, cultivate paranoia, cause the Huns at the gate. A many million strong, I'll arrive in a spate. Body cracking in 80, been shipping them freight. All walls up to date, let them come, you can cope. On the rug, out from under you, and sun to your hopes. And a no points bulletin out, they're undiscovered. Eyes to the horizon, not much longer undercover. Ready to make. みなさんこんにちは。日本では、ナルトだけじゃなくて、みんなさん、みんなで、囲碁をしている、そしてなケベックにも、囲碁をしてください、今からプイサンスマクシマル来てください。 Et nous allons le rejoindre directement du sud. C'est notre ami Andrew Castegan en train de siroter un mojito. Salut Vincent. Salut Andrew. Et Andrew, je pense qu'on a parlé de toi il y a quelques instants. Est-ce que tu as une réplique à faire à Guillaume Forand? Ben exactement. J'ai entendu à travers les branches l'éditorial de notre cher ami Guillaume et je dirais premièrement shame on you d'avoir succombé à cette drogue. Il faut y aller avec contrôle, Guillaume. C'est la clé numéro un de tout gamer. Sinon, la deuxième chose, je dirais que c'est pas surprenant qu'il y ait tant de monde qui je tombe dans le phénomène Minecraft. Juste un petit phénomène que j'ai vu sur Internet. Le site The Escapist, chaque année, fait son March Developer Showdown Mayhem. Dans le fond, où il fait, il prend les compagnies, dans le fond, de développement, et il fait un genre de comparatif avec un vote du public pour savoir qui est le préféré de l'année qui vient de passer. Et Mojang a été le gagnant de 2011. Mojang, qui est le développeur du fameux jeu Minecraft. Et je vous dirais que c'est assez surprenant de voir contre les grosses pointures contre qui s'est battu. En entrée de jeu, le premier round contre qui s'est battu, c'est contre Nintendo. Moi, quand j'avais vu ça, je m'étais dit, oh, ça y est, Mojang, ça rend pas plus loin que Nintendo. Je peux pas croire que le public vont voter pour lui au lieu de Nintendo, qui est la compagnie qui est là depuis des années et des années dans le monde du jeu. Mais non, Mojang en est sorti vainqueur pour ensuite se battre contre Namco Bandai, qui est la compagnie qui fait les séries Tales of Symphonia et compagnie, qui est encore une fois une très grande franchise au niveau du RPG japonais et du jeu de rôle en général. Mais encore là, Mojang en est sorti triomphant pour se retrouver contre Epic Games, qui a quand même des jeux assez notables au niveau de sa collection. On parle de Gears of War, Bulletstorm, Unreal Tournament. Encore une fois, Mojang a triomphé contre Epic Games pour se retrouver contre Obsidian. Il a gagné encore une fois contre Obsidian, que eux étaient les développeurs de Fallout New Vegas, en collaboration avec Bethesda Software, Dungeon Siege, Neverwinter Night. Il a gagné contre ça, se retrouver par la suite contre Valve, le développeur de Half-Life, pour gagner et pour se retrouver en finale contre BioWare, que dans le fond Vincent aime beaucoup cette compagnie. Pour finir, que Mojang gagne encore une fois la palme d'or au niveau là, du Developer Showdown pour un seul jeu dans sa bibliothèque versus ses grands noms du monde du jeu vidéo, ce qui est quand même très impressionnant pour un petit développeur autonome comme j'avais mentionné. Et pas oublier que le jeu aussi est rendu avec plus de 1,7 million de copies de vendus, donc il est dans le top 50 des jeux les plus vendus qui est sur le marché, et avec le temps il fait juste continuer à en vendre. La personne maintenant vit de ça, il a assez de revenus qu'il pourrait prendre sa retraite maintenant là. En plus, faut noter que le jeu est même pas encore à sa version complète, on parle même qu'il est encore en bêta, qu'est-ce qui est quand même très impressionnant là. Et le jeu, justement, qui est toujours des mises à jour régulièrement, dont la semaine passée, il y a eu la mise à jour 1.4. Donc maintenant, on peut avoir des loups avec nous pour nous aider à nous défendre ou nous tirer dans les puits de lave parce qu'ils nous poussent, parce qu'ils nous aiment trop. Oui, ça m'est pas encore arrivé. Je les ai pas vus encore, malheureusement. Mais effectivement, j'ai vu la mise à jour aussi. En même temps, les lits qui étaient intégrés à la version 1.3, quand on les utilise, ils deviennent notre nouveau point de respawn quand on meurt. Dans le fond, quand on meurt, au lieu de réapparaître dans le fin fond de quelque part de la carte, on réapparaît à notre lit ou dans les environs d'eux, là. Donc, c'est quand même très bien, des améliorations. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le développeur prend quand même en considération beaucoup des commentaires qui ont été faits sur les forums officiels de Minecraft, qu'est-ce qui est quand même très bien. Eh oui, ben Minecraft, c'était l'introduction à notre chronique, la chronique d'Andrew d'aujourd'hui, parce que ça faisait réponse à l'éditorial de notre ami ici, Guillaume, en studio. Andrew, tu as testé des jeux cette semaine ou dans les dernières semaines? Oui, bien en fait, des jeux qui ont sorti à la mi-mars. On parle dans le fond du jeu Arten Helico Koga, qui est le troisième de la série, et Yakuza 4. Je vais commencer par m'attarder sur Arten Helico, qui est dans le fond une des séries RPG classiques au niveau japonais que j'aime bien. Qu'est-ce que j'entends par classique? On parle, dans le fond, rien de trop compliqué dans le RPG. On reste dans les bases simples. On parle de combats tour par tour. Dans le fond, quand on enclenche un combat, dans le fond, c'est chacun notre tour. On a un menu qui apparaît. On choisit l'attaque qu'on veut. Ah non, c'est vrai. Excusez-moi. Ça, c'était le Artanelli Code 2. Le 3, ils ont changé. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, on parle d'un RPG classique au point de vue de l'interface de jeu quand on est dans le open world. Dans le fond, quand on est dans la carte ouverte où on se promène, on a dans le fond les personnages, on se promène, on ne voit pas les ennemis sur la carte, c'est du random encounter, donc on marche et tout d'un coup dans la carte, le combat se déclenche. Les combats, la nouveauté de Hatanaiko Koga, c'est qu'on a quitté le mode tour par tour, dans le fond, que la série avait, pour prendre un style de combat action RPG comme Tales of Symphonia et Tales of Phantasia ont pris dans la série. Donc, dans le fond, on contrôle un personnage, on utilise les touches carré, X, rond, triangle de la manette pour faire des combos, et tout dépendamment de l'ordre dans lequel on appuie sur les boutons, les attaques vont être différentes, vont faire plus ou moins mal aux ennemis, dépendamment là, du type d'attaque qu'on fait dessus. Hey, dis-moi, Andrew, on dirait que c'est un type de combat qui revient de plus en plus dans les jeux de rôle, quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Justement, tu parlais du combat par tour. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit, le type de combat qui a été pris pour ce jeu-là? Ben, en fait, normalement, NES America reste très conservateur dans leur style de jeu. On parle souvent d'un tour un peu comme les vieux Final Fantasy qu'on avait, le 1 et 2, que vraiment on avait une interface ou quoi que ce soit. Par contre, je dirais que NES n'a pas tendance à vouloir quitter cette tangente-là, sauf qu'il y a une popularité grandissante au niveau des joueurs, autant au Japon qu'en Amérique, où les RPG, ça leur tente pas d'attendre, ça leur tente pas que le jeu soit à l'arrêt. Ils veulent un flux continu dans les combats. Donc, il y a certaines séries qui ont décidé de prendre une tangente à plus privilégier le type de jeu que j'ai décrit, dans le fond, qui est l'action RPG, où le jeu n'arrête pas pendant le combat. C'est vraiment le combat démarre, là, on contrôle un personnage, on fait nos attaques jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun ennemi sur la carte. Et est-ce que ça déplaît aux joueurs comme toi? Moi, de mon côté, c'est une opinion un peu mitigée. D'un côté, c'est une amélioration que je trouve très bien parce que ça amène une dynamique nouvelle au niveau du jeu. Parce que, chose à noter, Artanelico, dans le fond, quand les personnages qui se battent en continu, c'est uniquement les personnages au corps à corps. Il y a des personnages, dans le fond, dans le jeu, qu'on appelle des Ravitail, qui sont les mages, un peu en quelque sorte, qui chantent pour charger de la magie, pour ensuite les attaquer. Ces personnages-là ne sont pas contrôlables, ils restent à l'arrière du combat. Et eux, dans le fond, ne font qu'attendre et charger leur magie pour faire une attaque sur tous les ennemis, que sur la carte ou un en particulier, dépendamment de la magie qu'on fait. Le combat de tour par tour, qu'est-ce qui arrivait? C'est que, dans le fond, on avait un contrôle plus complet au niveau des Revitel, parce que, dans le fond, plus que c'était par le principe d'un menu, on prenait vraiment le temps de gérer qu'est-ce qu'on voulait que le Revitel fasse. Tandis que dans Artanelico Koga, faut tout faire ça en même temps que le combat continue. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? C'est que le jeu n'arrête pas. Fait qu'il faut vraiment prendre des décisions plus rapidement. Les ennemis peuvent aller attaquer le mage directement, contrairement dans les autres Artanelico. Il faut, quand on s'en rend compte que l'ennemi va l'attaquer, il faut qu'on appuie sur une touche pour que notre personnage ait le bloqué et ainsi empêcher que le Revitel se fasse battre. Parce que les éléments clés dans les combats de Artanelico, c'est pas tant le personnage qu'on contrôle, mais c'est vraiment le mage en arrière, la Revitel qui charge son sort. Parce que plus qu'on est capable de la garder longtemps en train de charger le même sort, plus que la taille va être dévastatrice sur le monstre. Fait que si on se retrouve contre un boss, ou quelque chose comme ça, ben c'est plus facile et ça peut changer la donne. Mais si on parle à Revitel en combat, le combat devient beaucoup plus ardu. Là. Et à part le combat, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment impressionné par ce jeu-là? En fait, le jeu, qu'est-ce qui m'a rien impressionné, c'est que les deux premiers de la série étaient en 2D. NES America commence à vraiment utiliser le 3D dans la PlayStation 3. Avant, ils utilisaient uniquement, exclusivement le 2D. C'était un très beau 2D, mais c'était temps qu'il y ait une certaine évolution. Artanelico Koga, c'est pas le jeu du siècle au niveau du 3D, un peu comme leur ancien titre qui était Hyperdimension Neptunia, que j'avais déjà parlé à l'émission. On parle d'un beau 3D. C'est pas le meilleur. Par principe que Artanelico Koga, il est sorti le 28 janvier 2010 au Japon, donc ça fait déjà plus d'un an que le jeu était sorti au Japon. Mais c'est très coloré. Le graphisme a un beau fini dessin. Donc, le monde qui aime les animés, tout ça, on va retrouver vraiment un style de couleur animé au niveau du jeu. Pas tant au niveau du cel shading, par exemple. Parce que, dans le fond, j'avais déjà parlé que le cel shading était un style graphique très dessin animé, comme on peut retrouver dans Red Steel 2. C'est Red Steel, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est en plein ça. Oui, oui. Exactement, Red Steel qui avait un style cel shading, mais dans le fond, dans celui-là, on n'a pas mis ce type-là. On est allé avec un 3D plus conservateur, mais par exemple, ils ont mis des textures, au lieu d'être d'aller vers le réalisme, ils ont gardé, dans le fond, un style très coloré, très simple. On ne va pas dans le détail, on garde ça le plus simple possible pour que le jeu soit fluide. Qu'est-ce qui est quand même très bien. Au niveau de l'histoire, je vous dirais que ça a été une autre surprise aussi, parce que j'avais entendu dire que Art Analico Goga, on n'avait pas besoin de jouer aux deux autres pour apprécier l'histoire. Qu'est-ce qui est vrai? Parce que Art Analico Goga se passe des milliers d'années suite aux deux premiers. Par contre, on voit encore quand même qu'il y a une référence. On voit encore des lieux géographiques qui font référence aux autres jeux qu'il y a. Par exemple, on le retrouve dans un contexte complètement autre, parce que dans le fond, on parle du déclin de la magie dans le monde de Art Analico, donc tu sais, les désastres, tu sais, ça va pas bien dans le monde, et il y a quelques Revitel qui veulent restabiliser la chose. Peut-être la seule chose, la petite bémol que je donnerais au niveau de ce jeu-là, NES America ont pris une tangente, ils ont voulu aller beaucoup vers le fan service. Si vous vous rappelez, dans le fond, le lexique que Michael Michaud et moi, on avait fait, le fan service, dans le fond, plus il y a beaucoup de personnages féminins dans les jeux de NES America, ils ont décidé de mettre beaucoup d'éléments sexy, des petits moments cocasses qui font référence un peu à des choses sexy ou sexuelles, sans que ça soit vraiment explicite, mais t'sais, qu'on est capable de très bien voir à où ils veulent en venir. Parce que, veux pas, il y a de plus en plus de joueurs, t'sais, dans le fond, qui aiment ce genre de référence-là au niveau du Japon. Moi, j'ai trouvé que dans Art Analico Koga, il y en avait peut-être un peu trop. Et il y a certaines scènes aussi que quand j'ai joué et que ma blonde est, ou l'ami d'un de mes, la blonde d'un de mes amis était en même temps que moi dans la pièce, disons que j'étais pas sûr que ça passait bien au niveau de la visualisation, parce que c'était très, quand même, assez osé, là. Fait que je dirais que pour un jeu qui est classé adolescent, je prendrais quand même un petit... Ben en fait, il a été changé pour mature, en fait. C'est d'après le SRB, mais le mien est écrit sur ma boîte. OK. Et je vous dirais là que c'est pas à donner à un jeune de 13-14 ans, là, regarder peut-être plus pour les jeunes adultes à cause de ces scènes-là, parce que ça peut quand même choquer, là. D'accord. Et Andrew, il reste encore juste quelques minutes. Tu nous parles d'un quatrième tome d'une série très connue. Oui, Yakuza 4 qui a enfin atteint les étagères américaines. Une série que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Dans le temps du Dreamcast, je ne sais pas si vous vous rappeliez là, d'une série qui s'appelait Shenmue. Oui. C'est un jeu qui avait quand même une bonne aventure avec un style de combat, avec un monde ouvert. Yakuza utilise le même principe, mais dans un Tokyo reconstitué presque fidèlement avec des Yakuza. Yakuza 4 ont décidé de renouveler un peu la série, puisque le 3, malgré qu'il soit très excellent, la série avait commencé à s'effriter. Parce qu'il y avait commencé à avoir beaucoup de répétitions dans la série et les joueurs avaient commencé à décrocher. Ils ont décidé de mettre une twist dans le quatrième. Maintenant, on ne joue plus juste un personnage, mais quatre personnages. Dans le fond, la série marche par chapitre. Et les chapitres, on joue différents personnages qui ont différents styles de combat, différents styles de gameplay et des relations avec d'autres personnages complètement différentes. Et je vous dirais qu'au point de vue de l'histoire, on parle de guerre de clans, on parle de trahison à même des clans, des éléments externes, comme le premier personnage qu'on joue, je m'en rappelle pas de son nom, c'est un prêteur, dans le fond, qui prête de l'argent aux gens qui viennent lui demander. Puis, dans le fond... il n'est pas impliqué dans aucun des clans de Yakuza, mais il travaille très proche parce que les Yakuza sont les prêteurs numéro un au niveau de l'argent. Et dans le fond, il se retrouve impliqué dans un événement où, dans le fond, il y a des assassinats, où il y a un Yakuza qui était un des amis à lui, qui veut prendre le dessus d'un clan, il se retrouve accusé, et tous ces éléments-là. Et tout ça va faire en sorte que les quatre personnages qu'on joue dans le jeu vont se rencontrer et faire en sorte qu'ils vont aller les quatre vers un but commun. Je me suis pas rendu assez loin pour dire que je suis arrivé au moment où les quatre personnages se rencontrent, mais d'après ce que j'ai cru comprendre sur Internet, à ce moment-là, nous allons pouvoir carrément choisir le personnage qu'on préfère jouer. Donc, c'est quand même très intéressant. Je vous dirais, chacun des personnages a vraiment des différences bien définies. Donc, je vous dirais, si vous aimez le genre de style jeu à la chaîne mou, Yakuza 4 est un must. Autant que le troisième, si vous êtes capable de vous l'avoir. Et rapidement, côté graphique, je me souviens que le troisième, parce que c'était une version qui, je pense, qui était de PlayStation 2, qui est sortie sur le PlayStation 3 ou quelque chose comme ça, c'était pas extraordinaire. Est-ce que le 4 est quand même bien fait? On parle pas encore, on parle pas des jeux de l'année parce qu'on parle encore une fois pas des graphiques des jeux, des graphiques de l'année parce qu'on parle d'un jeu qui a quand même quasiment un an de retard sur son lancement d'origine au Japon, mais on parle d'un style graphique plus peaufiné que le 3. Plus de détails au niveau de la ville, on a une vue d'ensemble au niveau de la ville plus loin, plus détaillée. Au niveau des personnages, je trouve que la détail facial est un petit peu améliorée. Les textures de vêtements sont vraiment très belles, on voit vraiment le tissu. Seul bémol, encore une fois, au niveau du graphique, ça a été quelque chose que j'ai reproché au 3, que je reproche encore au 4. Les piétons dans la rue apparaissent vraiment très proches. On va marcher, il n'y aura personne dans la rue, tout d'un coup, quatre piétons qui apparaissent de nulle part en plein milieu de la rue qui marchent, et là, on est comme, OK, d'où qu'il sort, lui? Bon, ben excellent. Merci beaucoup, Andrew, d'avoir participé à l'émission. C'est déjà la fin et on se retrouve bientôt. Oui, donc passez une bonne fin de journée. Et merci beaucoup. C'est Andrew Castegan qui nous a parlé de deux jeux rapidement parce qu'on doit quitter. On remercie justement Andrew. On remercie également Maxime Girard de Nadegicon. Ça se passe en fin de semaine sur les terrains de l'Université Laval. Également Martin Bouchard de Philosophia pour la Fiesta ludique qui a également lieu à Québec en fin de semaine prochaine. Merci beaucoup Guillaume Forin d'avoir été à la console. Ça fait plaisir. Merci d'être là aussi Vincent. Et ça fait plaisir. Et on vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine de jeux.